Douzième chapitre. La Mikobos, roulant un matin par un chemin très difficile dans la vallée du Réétal, tandis que Han conduisait avec prudence et veillait à ne pas verser dans les trous, la Mikobos se fit des réflexions amères sur la vanité des vanités de la sagesse. Il était fort triste et se disait en lui-même « À quoi te sert-il maintenant, Fritz, d'avoir eu soin de te tenir la tête froide, le ventre libre et les pieds chauds durant 20 ans ? Malgré ta grande prudence, un être faible a troublé ton repos d'un seul de ses regards. À quoi te sert-il de te sauver loin de ta demeure, puisque cette folle pensée te suit partout et que tu ne peux l'éviter nulle part ? À quoi t'a servi d'amasser par ta prévoyance judicieuse des vins exquis et tout ce qui peut satisfaire le goût et l'odorat, non seulement d'un homme, mais de plusieurs durant des années ? Puisqu'il ne t'est même plus permis de boire un verre de vin sans t'exposer à radoter comme une vieille laveuse et à raconter des histoires qui te rendraient la fable de David, de Schultz, de Hahn et de tout le pays, si l'on savait pourquoi tu les racontes. Ainsi, toute consolation t'est refusée. » Et songeant à ces choses, il s'écriait en lui-même avec le roi Salomon. « J'ai dit en mon cœur, allons. » Que je t'éprouve maintenant par la joie, jouis des biens de la terre. Mais voilà que c'était aussi vanité. J'ai recherché en mon cœur le moyen de me traiter délicatement, et que mon cœur cependant suivit la sagesse. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des jardins et des vignes, je me suis creusé des réservoirs, et j'y ai semé des poissons délicieux. Je me suis amassé des richesses, je me suis agrandi, et ayant considéré tous ces ouvrages, voilà que tout était vanité. Puisqu'il m'arrive aujourd'hui comme à l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage? Cette petite Suzel m'ennuie plus qu'il n'est possible de le dire. Et pourtant, mon âme se complète en elle. Moi et mon cœur, nous nous sommes tournés de tous côtés pour examiner et rechercher la sagesse. Et nous n'avons trouvé que le mal de la folie, de l'imbécilité et de l'imprudence. Nous avons trouvé cette jeune fille dont le sourire est comme un filet et le regard un lien. N'est-ce point de la folie? Pourquoi donc ne s'est-elle pas dérangée le pied le jour de son voyage à Hunebourg? Pourquoi l'ai-je vue dans la joie du festin et plus tard dans les plaisirs de la musique? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées de la sorte et non autrement? Et maintenant, Fritz, pourquoi ne peux-tu te détacher de ces vanités? Il suait à grosses gouttes et rêvait dans une désolation inexprimable. Mais ce qui l'ennuyait encore le plus, c'était de voir Han tirer la bouteille de la paille et de l'entendre dire « Allons, Kobus, bois un bon coup !» Quelle chaleur au fond de ces vallées! Merci, faisait-il, je n'ai pas soif. Car il avait peur de recommencer l'histoire des amours de tous ses ancêtres, et surtout de finir par raconter les siennes. Comment? Tu n'as pas soif? S'écriait Han. C'est impossible, voyons. Non, non, j'ai là quelque chose de lourd, faisait-il en se posant la main sur l'estomac avec une grimace. « Cela vient de ce que nous n'avons pas assez bu hier soir. Nous avons été nous coucher trop tôt, » disait le gros percepteur. « Bois un coup et cela te remettra. »« Non, merci. »« Tu ne veux pas? Tu as tort. » Alors Han levait le coude et Fritz voyait son cou se gonfler et se dégonfler d'un air de satisfaction incroyable. Puis le gros homme exhalait un soupir, tapait sur le bouchon et mettait la bouteille entre ses jambes en disant « Ça fait du bien! Hue, fou! Hue !»« Quel matérialiste que ce Han !» se disait Fritz. « Il ne pense qu'à boire et à manger. »« Kobus !» reprenait l'autre gravement. « Tu couves une maladie. Prends garde. Voilà 2 jours que tu ne bois plus. C'est mauvais signe. Tu maigris. Les hommes gras qui deviennent maigres... Et les hommes maigres qui deviennent gras, c'est dangereux. Que le diable t'emporte, pensait Fritz, et parfois l'idée lui passait par la tête que Han se doutait de quelque chose. Alors, tout rouge, Il l'observait du coin de l'œil, mais il était si paisible que le doute se dissipait. Enfin, au bout de 2 heures, ayant franchi la côte, ils atteignirent un chemin uni, sablonneux, au fond de la vallée, et Han, indiquant de son fouet une 100aine de masures décrépites sur la montagne en face, à mi-côte, et dominée par une chapelle tout au haut dans les nuages, dit d'un air mélancolique « Voilà Wildland, le pays dont je t'ai parlé à Hunebourg. Dans un quart d'heure, nous y serons. Regarde, voici 2 ex-voto suspendus à cet arbre, et là-bas, un autre en forme de chapelle, dans le creux de cette roche. Nous allons en rencontrer maintenant à chaque pas. C'est la misère des misères. Pas une route, pas un chemin vicinal en bon état, mais des ex-voto partout. » Et pensez que ces gens-là se font dire des messes aussitôt qu'ils peuvent réunir 4 sous et que le pauvre Han est forcé de crier, de taper sur la table et de s'époumoner comme un malheureux pour obtenir l'argent du roi. Tu me croiras si tu veux, Cobus, mais cela me saigne le cœur d'arriver ici pour demander de l'argent, pour faire vendre des baraques de 4 kreutzer et des meubles de 2 pfennig. » Ce disant, Han fouetta Fou qui se mit à galoper. Le village était alors à 200 ou 300 pas au-dessus d'eux, autour d'une gorge profonde et rapide, en fer à cheval. Le chemin creux où montait la voiture, encombrée de sable, de pierres, de gravier, et creusée d'ornières profondes par les lourdes charrettes du pays, attelées de bœufs et de vaches, était tellement étroit que l'essieu portait quelquefois des 2 côtés sur le roc. Naturellement, Fou avait repris sa marche haletante, et seulement 1 quart d'heure après, ils arrivaient au niveau des 2 premières chaumières, véritables baraques, hautes de 15 à 20 pieds, le pignon sur la vallée, la porte et les 2 lucarnes sur le chemin. Une femme, sa tignasse rousse enfouie dans une cornette d'indienne, la face creuse, le cou long, creusé d'une sorte de goulot, qui partait de la mâchoire inférieure jusqu'à la poitrine, l'œil fixe et hagard, le nez pointu, se tenait sur le seuil de la première hutte, regardant vers la voiture. Devant la porte de l'autre cassine, en face, était assis un enfant de 2 à 3 ans, tout nu, sauf un lambeau de chemise, qui lui pendait des épaules sur les cuisses. Il était brun de peau, jaune de cheveux, et regardait d'un air curieux et doux. Fritz observait ce spectacle étrange. La rue fangeuse descendant en écharpe dans le village, les granges pleines de paille, les hangars, les lucarnes ternes, les petites portes ouvertes, les toits effondrés. Tout cela confus, entassé dans un étroit espace, se découpait pêle-mêle sur le fond verdoyant des forêts de sapins. La voiture suivit le chemin à travers les fumiers et un petit chien loup noir, la queue en panache, vint aboyer contre Fou. Les gens alors se montrèrent aussi sur le seuil de leur chaumière, vieux et jeunes, en blouse sale et pantalon de toile, la poitrine nue, la chemise débraillée. À 50 pas dans le village apparut l'église à gauche, bien propre, bien blanche, les vitraux neufs, riantes et pimpantes au milieu de cette misère. Le cimetière avec ses petites croix en faisait le tour. « Nous y sommes !» dit Han. La voiture venait de s'arrêter dans un creux, au coin d'une maison peinte en jaune, la plus belle du village après celle de Monsieur le curé. Elle avait 1 étage et 5 fenêtres sur la façade. 3 en haut, 2 en bas. La porte s'ouvrait de côté sous une espèce de hangar. Dans ce hangar étaient entassés des fagots, une seille, une hache et des coins. Plus bas descendaient en pente 2 ou 3 grosses pierres plates, déversant l'eau du toit dans le chemin où stationnait le char à banc. Fritz et Han n'eurent qu'à enjamber l'échelle de la voiture pour mettre le pied sur ces pierres. Un petit homme au nez de pie tourné à la friandise, les cheveux blonds filasses aplatis sur le front et les yeux bleus faïence, venait de s'avancer sur la porte et disait « « Monsieur Han, vous arrivez 2 jours plus tôt que l'année dernière. »« C'est vrai, Schneegans, » répondit le gros percepteur. « Mais je vous ai fait prévenir. Vous avez bien sûr ordonné les publications. »« Oui, monsieur Han, le Beutel est en route depuis ce matin. » »« Le Beutel, l'appariteur. » »« Écoutez, le voilà qui tambourine justement sur la place. » En effet, le roulement d'un tambour fêlé bourdonnait alors sur la place du village. Cobus, s'étant retourné, vit près de la fontaine un grand gaillard en blouse, le chapeau à claques sur la nuque, la corne au milieu du dos, le nez rouge, les joues creuses, la caisse sur la cuisse, qui tambourinait et finit par crier d'une voix glapissante, tandis qu'une foule de gens écoutait aux lucarnes d'alentour. « Faisons savoir que M. Lineheimer Hahn est à l'auberge du Cheval Noir pour attendre les contribuables qui n'ont pas encore payé et qu'il attendra jusqu'à 2 heures, après quoi ceux qui ne seront pas venus devront aller à Hünebourg dans la quinzaine s'ils n'aiment mieux recevoir le Steuerboot. » Le porteur de contraintes. Lineheimer, le percepteur. Sur ce, le Beutel remonte à la rue en continuant ses roulements. Et Hahn, ayant pris ses registres, entra dans la salle de l'auberge. Cobus le suivait. Ils gravirent un escalier de bois et trouvèrent en haut une chambre semblable à celle du bas, seulement plus claire et garnie de 2 lits en alcôve si haut qu'il fallait une chaise pour y monter. À droite se trouvait une table carrée, 2 ou 3 chaises de bois dans l'angle des fenêtres, un vieux baromètre accroché derrière la porte et tout autour des murs blanchis à la chaux, les portraits de saint Maclof, de saint Hieronymus et de la Sainte Vierge magnifiquement enluminés composaient l'ameublement de cette salle. « Enfin !» dit le gros percepteur en s'asseyant avec un soupir. « Nous y voilà. Tu vas voir quelque chose de curieux, Fritz. » Il ouvrait ses registres et dévissait son encrier. Cobus, debout devant une fenêtre, regardait par-dessus les toits des maisons en face l'immense vallée bleuâtre. Les prairies au fond, dans la gorge, avant les prairies, les vergers remplis d'arbres fruitiers, les petits jardins entourés de palissades vermoulues ou de haies vives, et tout autour, les sombres forêts de sapins. Cela lui rappelait sa ferme de Meisenthal. Bientôt, un grand tumulte se fit entendre au-dessous, dans la salle. Tout le village, hommes et femmes, envahissait l'auberge. Au même instant, Schneegans entrait, portant une bouteille de vin blanc et 2 verres, qu'il déposa sur la table. « Est-ce qu'il faut tous les faire monter à la fois ?» demanda-t-il. « Non, l'un après l'autre, chacun à l'appel, » répondit Hahn en emplissant les verres. « Allons, bois un coup, Fritz. Nous n'aurons pas besoin d'ouvrir le grand sac aujourd'hui. » Je suis sûr qu'ils ont encore fait du bien à l'église. » Et se penchant sur la rampe, il cria « Franz Laer !» Aussitôt, un pas lourd fit crier l'escalier pendant que le percepteur venait se rasseoir et un grand gaillard en blouse bleue, coiffé d'un large feutre noir, entra. Sa figure longue, osseuse et jaune semblait impassible. Il s'arrêta sur le seuil. « Franz Laer !» lui dit Hahn. « Vous devez 9 florins d'arriéré et 4 florins de courant. » L'autre leva sa blouse, mit la main dans la poche de son pantalon jusqu'au coude et posa sur la table 8 florins en disant « Voilà !»« Comment voilà ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous devez 13 florins !»« Je ne peux pas donner plus. Ma petite a fait sa première communion il y a 8 jours. Ça m'a coûté beaucoup. » J'ai aussi donné 4 florins pour le manteau neuf de saint Maclof. Le manteau neuf de saint Maclof? Oui, la commune a acheté un manteau neuf, tout ce qu'il y a de beau, avec des broderies d'or pour saint Maclof, notre patron. Ah, très bien, fit Hahn en regardant Cobus du coin de l'œil. Il fallait dire cela tout de suite, du moment que vous avez acheté un manteau neuf pour saint Maclof. « Tâchez seulement qu'il n'ait pas besoin d'autre chose l'année prochaine. Je dis donc, reçu 8 florins. » Hahn écrivait la quittance et la remit à l'air en disant « Reste 5 florins à payer dans les 3 mois où je serai forcé de recourir aux grands moyens. » Le paysan sortit et Hahn dit à Fritz « Voilà le meilleur du village. Il est adjoint. Tu peux juger des autres. » Puis il cria de sa place « Joseph Besme. » Un contribuable parut, un vieux bûcheron qui paya 4 florins sur 12, puis un autre qui paya 6 florins sur 17, puis un autre 2 florins sur 13, ainsi de suite. Ils avaient tous donné pour le beau manteau de saint Maclof et chacun d'eux avait un frère, une sœur, un enfant dans le purgatoire qui demandait des messes. Les femmes gémissaient, levaient les mains au ciel, invoquant la Sainte Vierge. Les hommes restaient calmes. Finalement, 5 ou 6 se suivirent sans rien payer. Et Han, furieux, s'élançant à la porte, se mit à crier d'une voix de tempête. « Montez, montez tous, gueusards, montez ensemble !» Il se fit un grand tumulte dans l'escalier. Han reprit sa place, et Kobus, à côté de lui, regarda vers la porte les gens qui entraient. En 2 minutes, la moitié de la salle fut pleine de monde, hommes, femmes et jeunes filles, en blouse, en veste, en jupe rapiécée, tous secs, maigres, déguenillés, de véritables têtes de chevaux, le front étroit, les pommettes saillantes, le nez long, les yeux ternes, l'air impassible. Quelques-uns, plus fiers, affectaient une espèce d'indifférence hautaine, leurs grands feutres penchés sur le dos, les 2 poings dans les poches de leur veste, la cuisse en avant et les coudes en équerre. 2 ou 3 vieilles, hagardes, l'œil allumé de colère et le mépris sur la lèvre. Des jeunes filles pâles, les cheveux couleur filasse. D'autres petites, le nez retroussé, brunes comme la myrtille sauvage, se poussaient du coude, chuchotaient entre elles et se dressaient sur la pointe des pieds pour voir. Le percepteur, la face pourpre, ses 3 cheveux roussâtres debout sur sa grosse tête chauve, attendait que tout le monde fût en place, affectant de lire dans son registre. Enfin, il se retourna brusquement et demanda si quelqu'un voulait encore payer. Une vieille femme vint apporter 2 kreutzer. Tous les autres restèrent immobiles. Alors Han, se retournant de nouveau, s'écria « Je me suis laissé dire que vous avez acheté un beau manteau neuf au patron de votre village. Et comme les 3/4 d'entre vous n'ont pas de chemise à se mettre sur le dos, je pensais que le bienheureux saint Maclof, pour vous remercier de votre bonne idée, viendrait m'apporter lui-même l'argent de vos contributions. Tenez, mes sacs étaient déjà prêts. Cela me réjouissait d'avance. Mais personne n'est venu. Le roi peut attendre longtemps s'il espère que les saints du calendrier lui rempliront ses caisses. Je voudrais pourtant savoir ce que le grand saint Maclof a fait dans votre intention et les services qu'il vous a rendus pour que vous lui donniez tout votre argent. Est-ce qu'il vous a fait un chemin pour emmener votre bois, votre bétail et vos légumes en ville? Est-ce qu'il paye les gendarmes qui mettent un peu d'ordre par ici? Est-ce que saint Maclof vous empêcherait de vous voler, de vous piller et de vous assommer les uns les autres si la force publique n'était pas là? N'est-ce pas une abomination de laisser toutes les charges au roi, de se moquer comme vous de celui qui paye les armées pour défendre la patrie allemande, les ambassadeurs pour représenter noblement la vieille Allemagne, les architectes, les ingénieurs, les ouvriers qui couvrent le pays de canaux, de routes, de ponts, d'édifices de toutes sortes, qui font l'honneur et la gloire de notre race, les Steuerboot, les fonctionnaires, les gendarmes qui permettent à chacun de conserver ce qu'il a, les juges qui rendent la justice selon nos vieilles lois, nos anciens usages et nos droits écrits. N'est-ce pas abominable que de ne pas songer à le payer, à l'aider comme d'honnêtes gens et de porter tous vos kreutzer à saint Maclof, à Lala Rumpfel, à tous ces saints que personne ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, dont il n'est pas dit un mot dans les saintes écritures et qui de plus vous mangent pour le moins 50 jours de l'année sans compter vos 52 dimanches? Croyez-vous donc que cela puisse durer éternellement? Ne voyez-vous pas que c'est contraire au bon sens, à la justice, à tout? Si vous aviez un peu de cœur, est-ce que vous ne prendriez pas en considération les services que vous rend notre gracieux souverain, le père de ses sujets, celui qui vous met le pain à la bouche? Vous n'avez donc pas de honte de porter tous vos deniers à saint Maclof, tandis que moi, j'attends ici que vous payiez vos dettes envers l'État? Écoutez, si le roi n'était pas si bon, si rempli de patience, depuis longtemps il aurait fait vendre vos bicoques, et nous verrions si les saints du calendrier vous en rebâtiraient d'autres. Mais, puisque vous l'admirez tant, ce grand saint Maclof, pourquoi ne faites-vous donc pas comme lui? Pourquoi n'abandonnez-vous pas vos femmes et vos enfants? Pourquoi n'allez-vous pas, avec un sac sur le dos, à travers le monde, vivre de croûtes de pain et d'aumônes? Ce serait naturel de suivre son exemple. D'autres viendraient cultiver vos terres en friche et se mettre en état de remplir leurs obligations envers leur souverain. Regardez un peu seulement autour de vous, ceux de Schneematt, de Hakmat, d'Urmat et d'ailleurs, qui rendent à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu, selon les divines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-les, ce sont de bons chrétiens. Ils travaillent et n'inventent pas tous les jours de nouvelles fêtes pour avoir un prétexte de croupir dans la paresse et de dépenser leur argent au cabaret. Ils n'achètent pas de manteaux brodés d'or. Ils aiment mieux acheter des souliers à leurs enfants, tandis que vous autres, vous allez nu-pieds comme de vrais sauvages. 50 fêtes par an pour 1000 personnes font 50 000 journées de travail perdues. Si vous êtes pauvre, misérable, si vous ne pouvez pas payer le roi, c'est au sein du calendrier que la gloire en revient. Je vous dis ces choses parce qu'il n'y a rien dans le monde de plus ennuyeux que de venir ici tous les 3 mois pour remplir son devoir et de trouver des gueux misérables et nus par leur propre faute qui ont encore l'air de vous regarder comme un antéchrist lorsqu'on leur demande ce qui est dû au souverain dans tous les pays chrétiens et même chez des sauvages comme les Turcs et les Chinois. Tout l'univers paye des contributions pour avoir de l'ordre et de la liberté dans le travail. Vous seul, vous donnez tout à Saint-Maclof. Et, Dieu merci, chacun peut voir en vous regardant de quelle manière il vous récompense. Maintenant, je vous préviens d'une chose. Ceux qui n'auront pas payé d'ici 8 jours, on leur enverra le Steuerboot. La patience de sa majesté est longue, mais elle a des bornes. J'ai parlé, allez-vous-en. Et souvenez-vous de ce que Hahn vient de vous dire, le Steuerboot arrivera pour sûr. Alors, ils se retirèrent en masse sans répondre. Fritz était stupéfait de l'éloquence de son camarade. Quand les derniers contribuables eurent disparu dans l'escalier, il lui dit « Écoute, Hahn, tu viens de parler comme un véritable orateur, mais entre nous, tu es trop dur avec ces malheureux. » « Trop dur ?» s'écria le percepteur en levant sa grosse tête ébouriffée. « Oui, tu ne comprends rien au sentiment, à la vie du sentiment. »« Oh, la vie du sentiment !» fit Hahn. « Ah ça, dis donc, tu veux te moquer de moi, Fritz ? Je ne donne pas là-dedans comme le vieux Rebbe Sichel. Ta mine grave ne me trompe pas, je te connais. »« Et je te dis, moi, » s'écria Cobus, qu'il est injuste de reprocher à ces paysans de croire à quelque chose, et surtout de leur en faire un crime. L'homme n'est pas seulement sur la terre pour amasser de l'argent et pour s'emplir le ventre. Ces pauvres gens, avec leur foi naïve et leurs pommes de terre, sont peut-être plus heureux que toi, avec tes omelettes, tes andouilles et ton bon vin. Hé hé, farceur, dit Hahn, en lui posant la main sur l'épaule. Parle donc un peu pour deux. Il me semble que nous n'avons vécu ni l'un ni l'autre d'ex-voto et de pommes de terre jusqu'à présent. Et j'espère que cela ne nous arrivera pas de sitôt. Ah, c'est comme cela que tu veux te moquer de ton vieux Hahn ? En voilà des idées et des théories d'un nouveau genre. Tout en discutant, il se disposait à descendre lorsqu'un faible bruit s'entendit près de la porte. Ils se retournèrent et virent debout contre le mur une jeune fille de 16 à 17 ans, les yeux baissés. Elle était pâle et frêle, sa robe de toile grise, recouverte de grosses pièces, s'affaissait contre ses hanches. De beaux cheveux blonds encadraient ses tempes. Elle avait les pieds nus, et je ne sais quelle lointaine ressemblance remplit aussitôt Cobus d'une pitié attendrie, telle qu'il n'en avait jamais éprouvée. Il lui sembla voir la petite Suzel, mais défaite, malade, tremblante, épuisée par la grande misère. Son cœur se fondit, une sorte de froid s'étendit le long de ses joues. Hahn, lui, regardait la jeune fille d'un air de mauvaise humeur. « Que veux-tu » dit-il brusquement. « Les registres sont fermés, les perceptions finies. Vous viendrez tous payer à Hunebourg. » « Monsieur le percepteur, » répondit la pauvre enfant après un instant de silence. « Je viens pour ma grand-mère, Anna Evic. Depuis 5 mois, elle ne peut plus se lever de son lit. Nous avons eu de grands malheurs. Mon père a été pris sous sa schlitte à la Kohlplatz l'hiver dernier. Il est mort. Ça nous a coûté beaucoup pour le repos de son âme. » Han, qui commençait à s'attendrir, regarda Fritz d'un œil indigné. « Tu l'entends ?» semblait-il dire. « Toujours sa maklof !» Puis, élevant la voix, « Ce sont des malheurs qui peuvent arriver à tout le monde, » répondit-il. « J'en suis fâché. Mais quand je me présente à la caisse générale, on ne me demande pas si les gens sont heureux ou malheureux. On me demande combien d'argent j'apporte. Et lorsqu'il n'y en a pas assez, il faut que j'en ajoute de ma propre poche. Ta grand-mère doit 8 florins. J'ai payé pour elle l'année dernière. Cela ne peut pas durer toujours. » La pauvre petite était devenue toute triste. On voyait qu'elle avait envie de pleurer. « Voyons, » reprit Han, « tu venais me dire qu'il n'y a rien, n'est-ce pas ? Que ta grand-mère n'a pas le sou ? Pour me dire cela, tu pouvais rester chez vous, je le savais déjà. » Alors, sans lever les yeux, elle avança la main doucement et l'ouvrit. Et l'on vit 1 florin dedans. « Nous avons vendu notre chèvre pour payer quelque chose, » dit-elle d'une voix brisée. Kobus tourna la tête vers la fenêtre. Son cœur grelottait. « Des acomptes, » fit Han, « toujours des acomptes. Encore si la chose en valait la peine. » Cependant, il rouvrit son registre en disant « Allons, viens !» La petite s'approcha, mais Fritz, se penchant sur l'épaule du percepteur qui écrivait, lui dit à voix basse « Bah, laisse cela !»« Quoi ?» fit Han en le regardant stupéfait. « Efface tout !»« Comment efface ?»« Oui, reprends ton argent !» dit Kobus à l'enfant. Et tout bas à l'oreille de Han, il ajouta « C'est moi qui paye !» « Les 8 florins ?»« Oui. » Han déposa sa plume. Il semblait rêveur. Et regardant la jeune fille, il lui dit d'un ton grave « Voici Monsieur Kobus de Hunebourg qui paye pour vous. Tu diras cela à ta grand-mère. Ce n'est pas Saint Maklof qui paye, c'est Monsieur Kobus, un homme sérieux, raisonnable, qui fait cela par bon cœur. » La petite leva les yeux et Fritz vit qu'ils étaient d'un bleu doux, comme ceux de Suzel, et plein de larmes. Elle avait déjà posé son florin sur la table. Il le prit, fouilla dans sa poche et en mit 5 ou 6 avec en disant « Tiens, mon enfant, tâchez de ravoir votre chèvre ou d'en acheter une autre aussi bonne. Tu peux t'en aller maintenant. » Mais elle ne bougeait pas. C'est pourquoi Han, devinant sa pensée, dit « Tu veux remercier monsieur, n'est-ce pas ?» Elle inclina la tête en silence. « c'est bon !» fit-il. « Naturellement, nous savons ce que tu dois penser. C'est un bienfait du ciel qui vous arrive. Tenez-vous au courant maintenant. Ce n'est pas grand-chose de mettre 2 sous de côté par semaine pour avoir la conscience tranquille. Va, ta grand-mère sera contente. » La petite, regardant Kobus encore une fois avec un sentiment de reconnaissance inexprimable, sortit et descendit l'escalier. Fritz, tout troublé, s'était approché de la fenêtre. Il vit la pauvre enfant se mettre à courir en remontant la rue. On aurait dit qu'elle avait des ailes. « Voilà nos affaires terminées, » reprit Han. « En route !» En se retournant, Kobus le vit qui descendait déjà, les registres sous le bras et son gros dos arrondi. Il s'essuya les yeux et descendit à son tour. « Hé !» leur cria Schneegans, en bas dans la grande salle. « Vous ne dînez pas avant de partir, monsieur le percepteur ?» « Est-ce que tu as faim, Kobus ?» demanda Han. « Non, ni moi non plus. Vous pouvez servir votre dîner à Saint Maklof. Chaque fois que je viens dans ce gueux de pays, je suis comme éreinté durant 15 jours. Tout cela me bouleverse. Attelez le cheval Schneegans. C'est tout ce qu'on vous demande. » L'aubergiste sortit. Han et Fritz, sur la porte, le regardèrent retirer le cheval de l'écurie et le mettre à la voiture. Kobus monta. Han régla la note, prit les rênes et le fouet, et les voilà partis comme ils étaient venus. Il pouvait être alors 2 heures. Tous les gens du village, devant leur baraque, les regardaient passer sans qu'un seul eût l'idée de lever son chapeau. Ils rentrèrent dans le chemin creux de la côte. Les ombres s'allongeaient alors du haut de la roche de Saint Maklof, jusque dans la vallée. L'autre côté de la montagne était éblouissant de lumière. Han paraissait rêveur. Fritz penchait la tête. s'abandonnant pour la première fois au sentiment de tendresse et d'amour qui, depuis quelque temps, faisait invasion dans son âme. Il fermait les yeux et voyait passer devant ses paupières rouges tantôt l'image de Suzel, tantôt celle de la pauvre enfant de Wildland. Le percepteur, très attentif à conduire au milieu des roches et des ornières, ne disait mot. À 5 heures, la voiture roulait dans le chemin sablonneux de Tiefenbach. Han, regardant alors Cobus, le vit comme assoupi, la tête ballottant doucement sur l'épaule. Il alluma sa grosse pipe et laissa courir. Une demi-lieue plus loin, pour couper au cours, il mit pied à terre et, conduisant fou par la bride, il prit le chemin escarpé du Tannewald. Fritz resta sur le siège. Il ne dormait pas, comme le croyait son camarade, et s'abandonnait à ses rêves. Jamais il n'avait tant rêvé de sa vie. Cependant, la nuit descendait sur les bois, le fond des vallées s'emplissait de ténèbres, mais les plus hautes cimes rayonnaient encore. Après une bonne heure de marche ascendante, où Fou et Han s'arrêtaient de temps en temps pour reprendre haleine, la voiture atteignit enfin le plateau. Il ne restait plus qu'à traverser la forêt pour découvrir une bourre. Le percepteur, qui malgré son gros ventre avait marché vigoureusement, mit alors le pied sur le timon et, claquant du fouet, il enfonça sa large croupe dans le coussin de cuir. « Allons, hop, hop !» s'écria-t-il. Et Fou repartit dans le chemin des coupes, en trottant comme s'il n'eût pas déjà fait 4 fortes lieues de montagne. Ah, la belle vue, le beau coucher de soleil quand, au sortir des vallées, vous découvrez tout à coup la lumière pourpre du soir à travers les hauts panaches des bouleaux effilés dans le ciel, et que les 1000 parfums des bois voltigent autour de vous, embaumant l'air de leur haleine odorante. La voiture suivait la lisière de la forêt. Parfois, tout était sombre. Les branches des grands arbres descendaient en voûte. Parfois, un coin de ciel rouge apparaissait derrière les 1000 plantes jaillissant des fourrés. Puis tout se cachait de nouveau, les broussailles défilaient et le soleil descendait toujours. On le voyait chaque fois au fond des percées lumineuses, d'un degré plus bas. Bientôt, les pointes des hautes herbes se découpèrent sur sa face de bon vivant, une véritable face de Silène, pourpre et couronnée de pampres. Enfin, il disparut. Et de longs voiles d'or l'enveloppèrent dans les abîmes. Les teintes grises de la nuit envahirent le ciel. Quelques étoiles tremblotaient déjà au-dessus des sombres massifs de la forêt, dans les profondeurs de l'infini. À cette heure, la rêverie de Cobus devint plus grande encore et plus intime. Il écoutait les roues tourner dans le sable, le pied du cheval heurter un caillou. Quelques petits oiseaux filaient à l'approche de la voiture. Cela durait depuis longtemps, lorsque Han s'aperçut qu'une courroie était lâchée. Il fit halte et descendit. Fritz entr'ouvrit les yeux pour voir ce qui se passait. La lune se levait, le sentier était plein de lumière blanche. Et comme le percepteur serrait la boucle de la courroie, tout à coup des faneuses et des faucheurs, qui rentraient chez eux après le travail, se mirent à chanter ensemble le vieux lied « Quand je pense à ma bien-aimée ». Le silence de la nuit était grand, mais il parut grandir encore, et les forêts elles-mêmes semblèrent prêter l'oreille à ces voix graves et douces, confondues dans un sentiment d'amour. Ces gens ne devaient pas être très loin. On entendait leurs pas sur la lisière du bois. Ils marchaient en cadence. Han et Cobus avaient entendu 100 fois le vieux lied, mais alors il leur sembla si beau, si bien en rapport avec l'heure silencieuse, qu'ils l'écoutèrent dans une sorte de ravissement poétique. Mais Fritz éprouvait une bien autre émotion que celle de Han. Parmi ses voix s'en trouvait une douce, haute, pénétrante, qui commençait toujours le couplet et finissait la dernière, comme un soupir du ciel. Il croyait reconnaître cette voix fraîche, tendre, amoureuse, et son cœur tout entier était dans son oreille. Au bout d'un instant, Han, qui tenait Fou par la bride pour l'empêcher de secouer la tête, dit « Comme c'est juste! C'est pourtant ainsi que chantent les enfants de la vieille Allemagne. Allez donc ailleurs !»« Chut !» fit Cobus. Le vieux lied recommençait en s'éloignant, et la même voix s'élevait, toujours plus haute, plus touchante que les autres. À la fin, un gémissement de feuillage la couvrit. « C'est beau, ces vieilles chansons !» dit le percepteur en remontant sur la voiture. « Mais où sommes-nous donc ?» lui demanda Fritz tout pâle. « Près de la roche des tourterelles, à 20 minutes au-dessus de ta ferme, » répondit Han en se rasseyant et fouettant le cheval qui repartit. « C'était la voix de Suzgu, » pensa Kobus, « je le savais bien. » Une fois hors du bois, Fou se mit à galoper. Il sentait l'écurie. Han, tout joyeux de prendre sa chope le soir, parlait des talents de la vieille Allemagne, des vieux Lieds, des anciens Minnesinger. Kobus ne l'écoutait pas. Sa pensée était ailleurs. Ils avaient déjà dépassé la porte de Hildebrandt. Les lumières brillant dans toutes les maisons de la grande rue avaient frappé ses yeux sans qu'il les vît lorsque la voiture s'arrêta. « Eh bien, vieux, tu peux descendre. Te voilà devant ta porte, » lui dit Han. Il regarda et descendit. « Bonsoir, Kobus, » cria le percepteur. « Bonne nuit, » dit-il en montant l'escalier tout pensif. Ce soir-là, sa vieille Katl, heureuse de le revoir, voulut mettre toute la cuisine en feu pour célébrer son retour. Mais il n'avait pas faim. « Non, » dit-il, « laisse cela. J'ai bien dîné. J'ai sommeil. » Il alla se coucher. Ainsi, ce bon vivant, ce gros gourmand, ce fin gourmet de Kobus, se nourrissait alors d'une tranche de jambon le matin et d'un vieux lied le soir. Il était bien changé.